La puissance de décider. Que l'homme décide de sa vibration ne peut pas aller à l'encontre de son devenir. Il est assuré que l'autorité de décider ne vient pas de l'astral dans l'homme. Cela vient de son feu, à brûler l'interférence et la soumission à de l'astral créé à partir des énergies de l'âme qui ont sur sa conscience un effet éteignoir. Par conséquent, la puissance d'une décision repose sur la valeur inconditionnelle de prendre le taureau par les cornes et de préserver dans l'homme l'autorité d'être son feu, sans qu'il ne puisse s'éteindre ce feu, car s'il s'éteint, cela veut dire que l'homme n'a jamais le pouvoir de créer sa propre vie et il n'a jamais l'autorité de conscience de descendre dans sa matérialité, son devenir cosmique, intelligent, individuel et lumière. L'homme doit être libre. Si l'homme n'est pas libre, son feu s'éteint. Et l'homme doit apprendre à aiguiser ce feu, c'est-à-dire qu'il doit complètement savoir quelles sont les forces intérieures qui habitent en lui. Et il ne peut que découvrir ses forces intérieures en étant capable de s'étudier en tant qu'ego et comment il agit pour comprendre que la solidité de ses corps doit être renforcée s'il veut un jour descendre ce feu. Qu'est-ce que le feu? Le feu, c'est la parole de l'homme qui lui permettra d'établir qu'il n'est pas manipulable. Il est très facile de remarquer que, dans la parole d'une personne, qu'elle peut dire une chose et, le lendemain, faire le contraire de ce qu'elle dit. Cela fait partie de l'astralité qui, dans le mental d'une personne, la soumet à ses propres mémoires au niveau de l'âme, au niveau aussi de la mémoire de la terre et de la race à laquelle cette personne peut appartenir. Ce faisant, il n'y reste que très peu de feu à ce temps pour saisir la grandeur de son unicité de conscience pour établir que si elle se fait constamment violer dans sa psyché, c'est parce que son feu n'est pas assez puissant pour lui permettre d'élever dans son corps mental la force de faire cesser toute pénétration astrale. Les corps subtils d'une personne doivent être renforcés. Cela veut dire que le corps mental ne doit pas être à la merci du corps émotif, du corps sexuel, qui est le corps de désir, ou tout simplement de tout corps autre appartenant à l'astralité de l'homme. L'âme fait partie d'une mémoire puissante qui génère suffisamment de contraintes négatives pour éteindre le feu dans l'homme. Les exemples sont simples, car une personne qui n'a pas l'autorité de mettre fin à une réalité dans sa propre vie s'éteint elle-même. Cela ne veut pas dire que la personne doit se critiquer, mais elle doit apprendre à reconnaître ce qui l'éteint. Pour que le feu aiguise la conscience de l'homme, il faut qu'une personne soit en mesure de comprendre que le feu, c'est sa parole, mais aussi sa volonté et la colère de ne jamais être brimé dans sa sensibilité par une autorité autre que la sienne. La puissance de décider relève de l'autorité de l'homme d'agir sur sa conscience avec la certitude qu'il ne se fait pas manipuler. Si une personne prend une décision et qu'elle doute de sa décision, elle est déjà manipulée. Elle doit plutôt dire « Je prends cette décision et advienne que pourra, je maintiens ma décision et si le présent ou le futur me démontre le contraire de ma décision, je suis assez intelligent pour le reconnaître. » C'est de cette manière que la puissance de décider reste au-devant de la conscience et peut permettre une dissolution progressive de l'astral qui veut soumettre l'ego à son autorité. L'interférence de l'astral sur une conscience est journalière. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'une personne ne soit pas éteinte d'une quelconque manière ou dans son feu lorsqu'elle s'astralise. L'astralité vient du fait que la pensée peut avoir des mémoires profitant au monde de l'astral pour déterminer le devenir d'une personne dans une journée. Cependant, lorsque la personne sait que le feu de son devenir et de sa conscience passe par la capacité de ne jamais s'éteindre, elle se permet de saisir le taureau par les cornes et de placer sa vibration sur tous les événements qu'elle vit. C'est ainsi que son focus ou sa liberté d'exprimer sa vie devient une parole tranchante et qui lui permet d'établir les bases de sa liberté sans jamais se soumettre à l'imposition d'une réalité qu'elle ne serait pas capable de réaliser, tel ou tel geste pour faire cesser l'astral qui est autour d'elle ou chez l'autre. Notamment, il y a des personnes qui peuvent exprimer des réalités totalement mensongères en lien avec la réalité que les plans de la lumière ou l'invisible peut permettre dans la conscience des individus un accès à l'abondance. Le discours spirituel est tellement fort sur la planète Terre que l'abondance se résume à ceci. Soit qu'on croit que les forces de la lumière ou qu'il y a des entités spirituelles qui peuvent aider l'homme. Et cela est complètement faux, car l'abondance, c'est simplement une réalité fictive de permettre ou de dire que l'ego peut se créer des espaces de vie lui permettant d'accumuler des richesses financières qui ne sont pas celles-ci à l'abri des intempéries de ce que décide la lumière. Et la lumière aura toujours autorité sur la réalité d'une programmation jusqu'à ce que l'homme inverse celle-ci avec l'autorité d'amener son feu à une élévation plus haute pour transcender tous les aspects mémoriels de sa conscience. Tant que l'homme ne peut pas transcender les aspects matériels de sa conscience, c'est-à-dire lunaire, animal et astral, il n'est pas en mesure d'avoir accès au feu de sa lumière qui est celui-ci. Le feu est ce qui brûle et consomme l'astral. Et pour brûler et consommer l'astral dans sa propre psyché, l'homme doit élever son taux vibratoire à un niveau si élevé qu'il n'est pas en mesure de se réfléchir et de croire qu'il a raison. Il sait simplement que sa vibration détermine ce qu'il voit, et c'est à ce temps que sa voyance ne le quitte pas et qu'il peut agir avec translucidité sur l'événementiel sans que celui-ci abaisse son taux vibratoire. C'est-à-dire que si vous avez à visiter une personne malade, vous avez à avoir le feu dans votre esprit que vous rentrez dans un endroit où on essaiera de vous éteindre parce que les énergies ambiantes voudront s'accaparer de votre conscience. Mais si vous savez que la personne que vous allez visiter est une personne dont vous avez un contact avec elle qui se fera sur la psyché et non nécessairement dans la matière, parce que celle-ci, cette personne peut être totalement inconsciente, il vous revient alors d'être dans votre feu pour que vous puissiez rencontrer la personne au deuxième étage et non nécessairement dans la matière. Cela veut dire que vous êtes conscient que tant qu'une personne est sur la terre, il y a toujours un feu ou une lumière au-dessus d'elle lui permettant d'être dans la matière. Lorsque l'âme quitte complètement la matière, il n'y a plus de feu. Et tant que la lumière habite une personne, il y a dans cette conscience la qualité d'un feu. Que celui-ci soit petit ou grand, cela ne change rien, car ce feu peut toujours augmenter en puissance selon la destinée cosmique d'une personne en lien avec sa conscience matérielle. Plus l'homme est conscient, plus il est intelligent. Et plus il est intelligent, plus il est dans son feu de décider de la façon qu'il veut que sa vie se passe. Parce que l'homme ne peut pas être libre et quémander à la vie d'être son propre soleil s'il n'est pas lui-même ce propre feu. Être son propre feu veut dire qu'on ne donne aucune importance à ce qui se passe autour de nous et que tout vient de l'intérieur. L'homme doit être libre. S'il n'est pas libre, il est assujetti à un feu autre que le sien. Et si tout vient de l'intérieur, c'est à l'homme de déterminer la courbe d'évolution qui lui permet de transcender les mémoires les plus grandes qui l'amènent à s'éteindre. Et plus il est en contact avec ce qu'il éteint, plus il s'enflamme. Parce que sa colère devient si grande qu'il ne peut plus se retenir. Il ne peut plus retenir aucune force indivisible ou divisible en lui qui ne lui permettrait pas d'être la seule et unique autorité sur une situation. Il ne demande pas à la lumière ce que la lumière veut accomplir, mais il dit plutôt ce que lui entend accomplir, et il agit ainsi parce que sa parole est au rendez-vous de ce qu'il dit. Elle ne le quitte jamais, il n'y a jamais entre lui et ce qu'il dit un décalage, parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Et c'est ce qu'il décidera aussi, parce qu'il en aura la colère et la vibration. Est-ce qu'un homme a le feu au cul parce qu'il se fait manipuler? Nécessairement. Mais il peut aussi avoir le feu au cul parce qu'il est tanné d'être manipulé. Et en étant fatigué de se faire manipuler par les forces de la lumière, cela l'oblige à descendre son feu. La lumière sait cela. Elle ne l'empêche pas. Elle s'assure simplement que le feu qui descend dans l'homme est réellement son propre feu. Et comment l'homme peut-il savoir que le feu qu'il descend en lui est son propre feu? Il le sait parce qu'il a la puissance de trancher sur tout ce qu'il vit, sans jamais s'éteindre. Il y a une réalité qui se passe, il décide ou il étudie la forme jusqu'à temps qu'il puisse décider, car la puissance de décider pour lui est la seule autorité qu'il aura à gérer sa conscience, à gérer la vie sur la terre et indépendamment à se protéger de l'astralité de cette terre qui connaîtra de grands remous dans les années à venir. Une personne ne peut pas être éteinte pour comprendre la vie. Elle doit s'allumer à son propre feu et aller à l'intérieur d'elle-même pour que celui-ci grandisse sans cesse. Sinon, elle n'aura pas de point de repère pouvant lui permettre de comprendre et de saisir ce qui se passe. La puissance de décider est l'extension naturelle de la conscience de l'homme, car elle l'amènera à être le créateur de sa vie au lieu de subir cette vie ou d'être à la merci de la soumission des énergies de l'âme qui, dans une interférence et un cycle continu de va-et-vient de mémoire, l'amène tôt ou tard à s'assujettir à ses impuissances, car il les croira réelles tout en pensant qu'il ne peut pas les abattre. L'homme peut tout abattre, il n'a que simplement à décider en autant que le feu qu'il y a dans sa conscience soit bien, bien son feu, c'est-à-dire que cela réunit la colère qu'il peut avoir face à une réalité sans que cette colère ne devienne un effet déstabilisateur pour sa propre conscience, c'est-à-dire que la colère doit allumer le feu dans l'homme pour qu'il voit clair. Lorsqu'il voit clair, il prend des décisions selon ce qu'il voit et selon sa sensibilité pour se faire respecter en tant que vibration personnelle et impersonnelle, dictant à l'invisible qui il est. Ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas doit devenir un jour en haut. Ce qui veut dire que la lumière ne peut pas interpréter la colère ou le feu de l'homme parce que c'est aussi une vibration, et c'est dans la vibration que se reconnaîtront les êtres de lumière dans les années à venir. À bien des égards, l'homme veut décider, car cela fait partie de son mandat de prendre position sur sa conscience et d'établir ce qu'il ne veut plus vivre. Par contre, il est très difficile de décider dans sa vie ce que l'on veut vivre, car pour abattre complètement ce que l'on ne veut plus vivre, il faut parfois l'avoir vécu plusieurs fois. Et c'est lorsque cette capacité d'intégrer cette nouvelle vibration de ne plus vivre une réalité que la variante et la puissance de la décision prend toute son ampleur. Il y a beaucoup de décisions que l'homme prend qui, une fois lorsque mises en place, sont colorées par de l'astral. C'est ainsi que la décision initiale se transforme et devient amoindrie dans sa capacité de fracturer l'éther et d'amener l'homme là où il ne veut plus aller. Pour que l'homme puisse aller exactement où il veut, cela prend du temps. La puissance de décider ne revient pas simplement à une capacité mentale de l'homme d'être en action, mais aussi de voir comment toute manipulation qui descend dans son mental l'empêchera de décider. Pour que la puissance d'une décision permette à l'homme de se libérer complètement de la forme, il lui arrivera de trébucher. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas prendre une décision une fois qu'il trébuche, car lorsqu'il aura jeter un regard froid sur toute la forme et toute la réalité qu'il vient de vivre, il pourra se rebalancer en comprenant que les forces de la noirceur agissent constamment sur sa conscience et en aucun temps souhaite que l'homme puisse décider. Il est très difficile de tasser l'astral en soi, car les énergies imposées par le mémorial de l'âme pour que l'homme s'amène à abattre complètement ses failles ne lui permettent ou ne lui offrent que très peu de marge de manœuvre. C'est pour ça que la puissance de décider est si difficile pour l'homme, parce qu'elle s'attaque à tout ce qu'il n'a pas compris de sa vie, puisque tout ce qu'il n'a pas compris de sa vie lui sera mis de nouveau à la surface pour qu'une nouvelle fois il prenne une décision sur ce qu'il ne veut plus vivre. La liberté dans une vie n'est pas à la portée de tous les hommes, puisqu'une fois la décision prise, cela ne veut pas dire que cette décision-là est intelligente. Bien que dans la puissance de décider, l'homme est toujours intelligent, il doit savoir qu'en décidant, il ne s'impose pas la structure d'être dans la perfection, mais il se donne la liberté de décider qu'un jour, il pourra être cette perfection qu'il vise en regardant sa vie, parce qu'il ne voudra plus vivre d'astral en lui et être coloré par des forces animiques de l'âme qui le retiennent à l'impression qu'un jour, il ne vivra pas la vie qu'il veut vivre. Cette vie que l'homme veut vivre, il la connaît, même si parfois elle lui échappe parce qu'il est compris et su par la lumière que le renforcement des corps de l'homme au niveau de son corps mental, son corps émotif, son corps de désir, son corps astral doivent être élevés à un niveau si grand que, éthériquement, il ne vivra plus à l'incapacité de ne pas décider. Ce qui est le plus difficile, bien souvent, dans une décision, c'est de la maintenir et de ne pas être influencé dans celle-ci au cours de son processus. Certes, l'homme peut décider plusieurs fois dans une journée sur une réalité et se retrouver quand même devant un échec retentissant de son ego parce qu'il n'aura pas su voir les pièges astrals qu'on lui présentait pour qu'il ne puisse pas amener sa décision là où il le doit. Est-ce qu'un jour l'homme amènera ses décisions là où il le doit? Ce jour arrivera quand l'interface d'une décision ne possède plus de polarité ou de porosité permettant une entrée astrale dans la conscience de l'homme. C'est seulement et uniquement quand l'homme sait et qu'il vibre totalement à ce qu'il ne veut plus vivre qu'il en comprend parfaitement la souffrance qui se cache derrière ce qu'il ne veut plus vivre. Avant que cette souffrance soit totalement intégrée, il est compris qu'il aura à vivre encore et encore des ajustements. Qu'est-ce qui fait que la souffrance vécue est ce qui amène l'ego à se corriger complètement? C'est parce que lorsque l'ego n'est plus capable de souffrir, parce qu'il y a trop de lumière en lui pour qu'il s'amène encore à vivre la même forme, il y a une transmutation dans son mental qui se fait. C'est-à-dire qu'il ne veut plus vivre la capacité de vivre une réalité selon ce qu'il connaissait de lui, mais bien sur ce qu'il veut découvrir en tant que lumière pour toujours être son soleil de conscience intact devant la vie. La vie sur la terre est parsemée d'embûches et ce sont simplement les décisions que peut prendre l'homme qui l'amènent un jour à ne plus vivre ces embûches de la même manière. Pourtant, une décision ne se bâtit pas simplement par le fait que l'homme souffre. Elle se bâtit aussi sur la compréhension absolue de ce qu'un ego doit dépasser dans la matière pour un jour être libre. Car il est entendu que tant que l'homme ne décidera pas complètement de sa vie, il sera toujours soumis à un feu autre que le sien. Et ce feu dans l'homme qui lui permet de brûler l'astral des mémoires qui gravitent autour de sa conscience ne vient pas du jour au lendemain, mais vient avec la certitude que l'homme veut mettre un terme à une réalité et qu'il prendra tous les moyens nécessaires pour être un être centrique et totalement allumé de ce qu'il vit, pour saisir toutes les nuances que les forces de la lumière amèneront pour l'ajuster totalement. La puissance de décider est le seul recours pour l'homme d'une liberté intégrale. Il y a énormément de facteurs qui empêchent une personne de décider, soit qu'elle n'a pas la maturité, soit qu'elle n'a pas le vécu, et soit que la souffrance liée à ce vécu et à cette maturité doit être plus grande encore pour qu'il puisse vivre l'expérience d'un vide absolu envers ce qu'il vit. L'homme ne doit pas se culpabiliser de ne pas pouvoir prendre des décisions, mais il doit plutôt s'amener à les prendre, ces décisions-là, en comprenant que sa vie personnelle en est marquée à un tel point que la souffrance qui s'y dégage est ce qui l'oblige un jour à trancher d'une telle puissance dans sa parole et sa vibration pour émettre que ce qu'il veut vivre devient la seule et unique force de vie pour abattre ce qu'il ne veut pas vivre. Lorsque l'astral pénètre une personne et qu'elle lui fait vivre l'impression qu'elle ne pourra pas un jour vivre cette vie qu'elle veut vivre, il y a bien entendu des pièges. Le premier étant la crainte et le deuxième, la croyance de penser qu'une personne n'arrivera pas à surmonter ce qu'elle vit en raison du fait qu'elle le vit si intensément que tous ses corps vibrent et que cela aussi l'amène à se remettre totalement en question devant la vie et sa vie. Le dernier droit pour l'homme, celui où il passe d'une conscience parfois totalement intelligente et parfois astralisée à un éther de conscience universellement parlant, éthérique, est très difficile. C'est un long chemin, car ce désert est la seule et unique voie pour l'homme, lui permettant d'être seul dans son mental pour exiger avec sa lumière un lien parfait et absolu qui le sortira de sa propre astralité. Plus l'homme se conscientise, plus il lui est difficile de vivre l'astral. Son corps de désir ne vibre presque plus, alors que la seule substance de manipulation vient dans la réalité qu'il y a dans l'ego, des formes de vie ou des failles de vie qui ne lui permettent pas encore d'exploser. Et ces forces de vie qui empêchent l'homme de se reconnaître totalement devant sa lumière sont intimement reliées à l'incapacité de l'homme de décider sur le tas qu'une réalité doit cesser pour lui quand il est capable de prendre le taureau par les cornes et de marcher sur le serpent dans le désert de son astralité pour ne jamais plus vivre une réalité. L'homme sera toujours seul pour finaliser son expérience karmique dans la matière et il sera toujours seul à rencontrer son propre soleil. Se réalisant, il est entendu que les grandes souffrances que l'ego doit vivre seront par cet ego reconnues totalement, à un point tel que oui, il ne voudra plus les vivre, mais qu'également, il les transcendra, ses mémoires qui sont liées à cette impuissance de ne pas vivre la vie qu'il veut vivre. La colère, la haine contre toute astralité qui l'amène à ne pas être ce qu'il veut devenir est un feu ardent qui brûlera finalement. Toutes les aspérités de son ego qui se raconte, non pas des mensonges, mais qui n'est pas apte à avoir la maturité de saisir le parfum de tous les pièges astrales avant même que ceux-ci arrivent à sa conscience. Est-ce que la puissance de décider est intimement liée à la voyance intégrale de l'homme sur la forme? La réponse est oui. Une voyance parfaite pour l'homme est celle-ci. Elle ne l'amène jamais trop loin de lui-même. Elle ne lui laisse jamais penser que ce qu'il voit est réel, mais elle l'amène toujours, cette voyance, à percevoir que ce qui vient ou que ce qui viendra est un potentiel très polarisant qui peut créer chez lui de la souffrance. En ayant cette voyance, l'homme monte ses gants de boxe et se protège davantage des pièges qu'on voudra lui soumettre dans le désert de la conquête de son absolue conscience, qui est sa vision éthérique et parfaite, de la vie, de la matière, de l'éther, de l'astral et des intelligences qui ont toujours nourri par le feu de leur lumière les obstacles de l'homme pour que puisse un jour les abattre. Ils les nourrissent comment, ces obstacles? Ils les nourrissent par des formes parfaites de manipulation que l'homme parfois ne sait pas voir en raison du fait que les voiles qu'ils utilisent pour l'amener à vivre des souffrances initiatiques et psychiques, l'amenant à élever un jour son éther de conscience vers un mental absolu qui n'est plus jamais divisible, fait partie pour la lumière de la manipulation des formes. C'est donc dire que la puissance de décider ne vient pas facilement, mais l'homme doit s'appliquer à décider. Il doit trancher, et si la décision qu'il prend ne l'amène pas là où il voulait aller, il faut qu'il le reconnaisse instantanément, car il ne pourra pas se corriger et reprendre une décision plus intelligente par la suite s'il ne voit pas les pièges de la manipulation subtile qui l'auront amené une autre fois à être dans un processus d'initiation face à son expérience pour que s'élève son mental et que toute polarité karmique le menant à s'oublier ou à s'éloigner de lui-même soit renversée. Dans cette puissance de décider, l'homme doit se donner une centricité sans pareille, qui ne sera jamais ébranlable malgré la forme ou la situation, parce que sa décision demeurera intacte. Ce qu'il dira une journée, ce qu'il dira 2 minutes plus tard et ce qu'il dira le lendemain seront une seule et unique parole. Un feu tranchant, possédant une direction qui n'a aucune ouverture pour de l'astral, pour du désir ou encore pour permettre la manipulation de son ego. Est-ce que l'homme a de la crainte dans la décision? Certainement, il y a toujours eu de la crainte dans la décision, car tant que l'homme n'en arrive pas à accepter qu'il peut être manipulé, cela est une forme de crainte. Soit qu'il ne veut pas investiguer la profondeur des forces de manipulation de la lumière pour l'amener à vivre des souffrances tellement grandes en lien avec son expérience personnelle pour que par la suite il devienne un être totalement intelligent, froid et conscient des univers parallèles pour que son mental ne soit plus manipulable. La force d'une décision repose sur la dimension éthérique de savoir qui l'on veut devenir. Mais pour savoir qui l'on veut devenir, il faut abattre ce que l'on ne veut plus vivre. Et c'est là la dualité, soit que l'homme aimerait bien être dans une conscience parfaite, mais il lui est difficile de vivre cette conscience parfaite-là, car il est un être matériel fait de mémoire et de programmation colorée pour l'inviter à la table des grands et ainsi étudier tout ce qui entre dans sa conscience. Peut-on être totalement scient de tout ce qui entre dans sa conscience? Oui. Pour que ce oui devienne possible, il y a donc dans l'ego des impuretés et des paroles qui doivent être évacuées. Une conscience parfaite se vit simplement dans la mesure que l'homme décide parfaitement des grandes lignes de sa vie. Et ces grandes lignes se situent au niveau de son expérience de couple, son expérience financière et sa santé. Ces trois grandes réalités sont le jardin de l'homme. C'est dans ces trois unités où il peut abattre ce qu'il ne veut plus vivre qu'il trouvera la paix dans son mental. La puissance de décider relève de l'introspection intégrale de l'homme à voir comment il se fait jouer sur certaines formes subtiles liées à l'argent, le couple, la santé ou le travail. Pour un ego de déterminer ce qu'il ne veut pas vivre ou ce qu'il ne veut plus vivre se résume donc à ceci. 1. À pouvoir décider. 2. À pouvoir ensuite trancher sur la décision qu'il vient de prendre si celle-ci ne va pas là où il veut. Et 3. De ne jamais se culpabiliser ou se remettre en question si jamais ce qu'il ne veut plus vivre s'invite une fois de nouveau à sa table. L'homme a beaucoup l'impression parfois qu'il fait 2 pas en arrière et qu'il fait simplement 1 pas en avant. C'est le contraire qui se produit. Dans la capacité de décider, l'homme fait réellement 2 pas en avant. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas à faire 1 pas en arrière ou peut-être 1 pas de côté. Les forces de la lumière sont très subtiles et ils ne donneront jamais à l'homme ses épaulettes tant qu'il ne les aura pas totalement gagnées ou arrachées par la force de décider. Cette puissance de décider vient à point quand il n'est plus capable de vivre ce qu'il vit. Si l'homme n'avait pas cette puissance de décider, il n'aurait jamais la voyance de ce qu'il est. Parce que la lumière ne peut pas lui dire intrinsèquement ce qu'il est. Et c'est pour cela que l'homme doit décider, et c'est pour cela que parfois il fait 2 pas derrière, alors qu'en fait, il fait 3 pas en avant s'il fait 2 pas derrière. Le principe d'évolution de la conscience de l'homme ne s'arrête pas aux portes de ses craintes. Ce principe d'évolution-là, qui est dans l'homme, octroyé par la lumière au double de l'homme pour qu'il le pénètre ce double et qu'il le fasse descendre dans la matière pour que celui-ci soit une voyance absolue de la vie qu'il veut mener. En conclusion, les années qui viendront démontreront à l'homme qu'il doit décider. Il ne peut pas rester assis dans un certain confort, car ce confort sera bousculé, tout simplement parce que la lumière doit descendre sur la terre et que l'astral doit être évacué. Pour qu'il y ait évacuation, la décision intégrale de la lumière de ne pas abandonner la terre affecte aussitôt la genèse d'une conscience en devenir, parce qu'elle lui impose une compression énorme face aux craintes qu'il a et les impuretés qu'il doit nettoyer dans son corps mental pour pouvoir supporter la lumière qui sera descendue sur la terre prochainement. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus, parce que une conscience, ça ne se construit pas en une journée. Ça se construit sur des milliers de décisions que l'homme doit prendre pour évacuer de sa conscience tout le projet astral de la spiritualité qui veut l'englober dans l'éternité de croire que la terre sera gouvernée par les dieux. La terre ne sera jamais gouvernée par les dieux. La terre est habitée par l'homme et c'est lui qui la gouvernera. La lumière est une force de création. Elle ne veut pas gouverner l'homme. Elle veut instaurer dans l'homme la gouvernance que celui-ci doit s'octroyer pour être libre sur la terre. Et c'est pour cela que la puissance de décider dans l'homme est si difficile à intégrer, à reconnaître, à vivre puissamment, parce qu'il est seul, cet individu, cet homme, qu'il soit homme ou femme, à vivre ce qu'il vit et à reconnaître que ce qu'il vit est 2 pas en avant, même si on veut lui faire croire qu'il s'agit de 2 pas en arrière. La puissance de décider, c'est être libre. C'est décider de tasser l'astral en soi, malgré les expériences vécues, pour se dire qu'à nouveau, on est réinventé devant la vie et qu'on se refait une santé mentale à toute épreuve contre ce qui viendra demain. C'est ça, la puissance de décider. Le passé ne revient jamais et c'est toujours une éternelle relation entre l'homme et ses craintes pour les abattre qui font surgir en lui le feu de sa colère et le feu de décider que jamais plus il ne veut être sur cette terre un être qui ne sait pas où il va, ou un être qui n'est pas capable ou qui pense ne pas être capable d'abattre totalement une situation qu'il ne veut plus vivre. Il la traversera, cette situation-là, car cette puissance de décider deviendra son nouveau soleil pour qu'un jour, il ne vive plus ce qui le fait souffrir. Être seul dans sa conscience, c'est savoir qu'il revient uniquement à l'homme, seul avec lui-même, de décider. Et c'est pour cela que les grandes épreuves de la vie ou les grands tests de conscience que la lumière fait vivre à l'homme ont, dans chaque éclat, une puissance d'évolution pour qu'il saisisse cet éclat et qu'il s'amène à être suffisant en lumière pour parfaire ce que la lumière veut lui transmettre. Lorsque l'homme sait que tout ce qu'il vit vient aussi des forces de la lumière pour l'amener à être un diamant parfait, il ne conteste pas cela. Ce qu'il conteste, c'est la réalité de vivre une situation qu'il ne peut pas mettre un terme. Et c'est pour cela qu'un jour, il la renverse, car il sait très bien qu'elle est pour lui, et autant pour la lumière, un triomphe de l'homme libre dans la matière. Pour expliquer et comprendre davantage qu'il peut y avoir de la crainte dans le mental de l'homme lorsqu'il décide, cela veut dire que l'homme n'est pas un être totalement vibratoire. Et c'est de là que part la crainte, car elle ne permet pas à l'homme d'être dans une décision tellement froide que c'est son ego qui s'élève automatiquement à la lumière de ce qu'il doit être sur les plans pour être aussi dans la matière un être solaire. Ce faisant, la crainte est toujours un obstacle à l'homme dans la décision parce qu'elle l'amène à croire qu'il doit se réfléchir ou encore à vivre des expériences difficiles pour simplement avoir une capacité de décider totalement froide. Et cela n'est pas totalement réel puisque l'homme peut, dans la conscience de son devenir, être un être beaucoup plus grand du moment qu'il est capable de s'investir totalement de la réalité qu'un jour, il n'aura plus à prendre de décision car il sera toujours dans la vibration de savoir ce qu'il fait et que ce qu'il dit fait partie de la même unique grandeur de conscience pouvant le mener à être totalement libre sans jamais plus ne regarder en arrière. S'il y a de la crainte dans les décisions ou dans le mental de l'homme, c'est que ces décisions n'ont pas encore été suffisamment élevées à la nature vibratoire que tout ce qui est cosmique n'appartient pas au monde de la mort. Incidemment, quand l'homme est totalement fusionné à de l'intelligence et à de l'esprit, il est un être vibratoire et il n'a plus à se questionner sur la grandeur ou sur l'état des décisions qu'il prend, parce que celles-ci sont simplement en parfaite affinité avec sa sensibilité et ce qu'il avait décidé d'être sur la Terre avant même son incarnation finale pour fusionner avec sa lumière et reprendre le total contrôle de ses énergies et de mener finalement la vie qu'il veut vivre.